quand je suis né, avant ma dernière mort, du temps je contemplais, ébloui je cours. Du temps où je menais une si belle existence, au temps où l'on m'aimait tant d'amour et de chance. De ce temps effacé dont je ne me souviens, quand rêve du passé, il ne me reste rien. Du temps où je suis mort, dans un lit si bien fait, dans des draps paris d'or, près de ceux qui m'aimaient. Du temps où je suis né, avec pour toute richesse, mon âme en compte au blessé, absence de tristesse. De ce temps effacé, dont je ne me souviens, quand rêve du passé, il ne me reste rien. Du temps où je planais à travers les espaces, du temps où je laissais l'infini sur mes traces, vu d'en haut les géants paraissaient si petits, le faible est si puissant entre les galaxies. De ce temps effacé, dont je ne me souviens, quand rêve du passé, il ne me reste rien. Du temps où je suis né, quand j'ai passé ma peau, en ce temps que vous vivez, je ne ferai pas de vieux os. Et je glisse au hasard, avant de repartir. Et je glisse au hasard, vers un autre avenir. Et je glisse au hasard, vers un autre avenir.